Multiples attitudes de lecture. Vautré. Droit. Prise de notes. Absorbé. Comme dans une bulle. Tic. Petite toux régulière. Grattement du cou. Du nez. Coup de tête. Depuis le 4CA7. Deux attaquants et un goal. Moi, je me mets là. Inhabitué. Elle ne demande rien. 1, 2, 3, 4, 2, 5, 3, 6, 7, 4, 8, 5, 9, 10. 6. Deux hommes et une femme me tournent le dos. Il est 14h sur le pôle du troisième étage de la bibliothèque. Dans le 3 français, 3 directives. Il y a ceux qui sont dans leur monde. Je communique avec mon ordinateur et plus rien ne compte autour de moi. Des petits coups de tête un peu réguliers. On est droit, on est courbé. Quand deux bulles se touchent, ça peut être très électrique. Moi, je me mets là. Mais pourquoi tu ne veux pas jouer ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'arrive ! Pourquoi vous approchez si près ? Oui, je vais vous laisser mon ordinateur, mais... Ne vous mettez pas si près de moi. Thank you. je vois... Fantomas. Je vois Casanova. Je vois les mémoires d'un rat, la bohème canaille, la grève des forgerons. Je vois Néron. Je vois Lulu, je vois Lazarine. Adieu Satan. Mais pourquoi tu veux pas jouer ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deux attaquants et un goal, moi je me mets là. Mais pourquoi tu veux pas jouer ? C'est jeudi, c'est l'été, fin juillet arrive. Pourtant, ils ont une formidable structure de protéines. chagrin,